Bonjour, bienvenue sur CKUT 90.3 FM à Montréal, dans ce qu'on appelle Montréal, territoire occupé, revendiqué par les Ganingaga et les Anishinabés. Donc, toujours en territoire occupé. Aujourd'hui, nous allons parler de violence coloniale, justement. Nous allons parler de violence faite aux femmes, d'agression sexuelle. Tout d'abord, par contre, nous allons parler de la place des femmes dans les médias et dans la radio plus particulièrement. Nous sommes dans le cadre d'une campagne de financement aussi de CKUT, donc la radio, pour faire un don, appelez au 514-907-9424 ou consultez la page suivante, ckut.ca, barre oblique vers la droite, donate. Mode de paiement, comptant, chèque, crédit, Visa, Mastercard ou PayPal, les chèques peuvent être envoyés à CKUT au 3647 Université Montréal, QCH3A2B3. Les dons peuvent également être remis en personne. Oui, vous pouvez nous visiter tout au long de la levée de fonds. Présentez-vous au bureau de CKUT entre 9h et 19h afin de récupérer vos cadeaux. Donc, je vais commencer tout de suite en disant ça, comme ça, on ne me reprochera pas de l'avoir oublié. Don de 25$ et plus, un CD, DVD, livre, un T-shirt ou une camisole à la levée de fonds 2014. Don de 60$ et plus, un CD, DVD, livre, plus un T-shirt radio déchaîné et une entrée dans le grand tirage. Don de 10$ par mois ou 120$, deux CD, DVD, livre, un T-shirt radio déchaîné, un sac en bandoulière sécurité, deux entrées dans le grand tirage, une entrée dans le tirage du festival. Don de 20$ par mois ou 240 et plus, deux CD, DVD, livre, deux T-shirts radio déchaîné, un sac en bandoulière sécurité, deux entrées dans le tirage festival, quatre entrées dans le grand tirage. Bon, pour le reste, vous pouvez toujours aller sur ckut.ca et le lire vous-même. Donc, tout ça s'amalgame aujourd'hui. Campagne de financement, reparler de sujets très profonds et difficiles quand même à aborder, particulièrement quand on est survivante ou survivant, ce qui est mon cas. Alors, c'est aussi pourquoi ça m'apparaît important de parler de ce sujet-là, c'est autant d'un point de vue personnel, mais aussi à cause de la gravité sociale du sujet. Et de parler du sujet-là, particulièrement aujourd'hui au féminin et dans un monde colonial, parce que ça touche particulièrement les femmes autochtones et les femmes en général aussi, mais particulièrement les femmes autochtones. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tout ça à la suite, entre autres, de l'émission Enquête et aussi du lancement de la campagne On vous croit, qui fait suite à la campagne Agression non dénoncée et à une autre campagne dont je me rappelle plus du nom en anglais. Dont on pourra dire le nom éventuellement quand on s'en souviendra. Mais de toute façon, vous vous en rappelez, c'est certain. Grâce à ces campagnes, le sujet est bien malheureux, mais grâce à ces campagnes, on en parle parce que c'est comme un début d'en parler, autant de violence coloniale que de violence envers les femmes et de l'amalgame entre les deux, de la violence coloniale et faite envers les femmes, donc qui touche particulièrement les femmes autochtones. Donc aujourd'hui, nos invités... Pour commencer, nous allons parler avec Audrey Pellerin-Gosselin de l'émission Ève et Pandore à CKUT. Bonjour Ève. Audrey, excuse-moi. le lapsus était trop facile à faire dans mon esprit. Il est venu toute seule. Désolé. Mouch Alvin, porte-parole du RQ Calac, une des femmes autochtones du Québec parce que je ne savais pas qui, mais Lauriane Fontaine est avec nous. Bonjour Lauriane. Bonjour Maude. Est-ce que je peux préciser que je suis pas porte-parole? Du porte-parole? Je suis pas porte-parole. C'est quoi ton rôle? Mais je suis une des travailleuses du RQ Calax, et puis en ce moment, c'est moi qui étais disponible pour faire l'entrevue. Ah, OK. T'es quoi, donc? Je suis chargée d'un projet de formation au sein du RQ Calax. OK. Donc, t'es pas porte-parole, t'es chargée de projet. Désolé pour cette erreur, mais bon, on s'attend à une communication, on s'attend à avoir les porte-paroles, mais aujourd'hui, on est chargée de projet. Donc, tu es aussi responsable un peu de la campagne, si j'ai bien compris? Oui, de la campagne hashtag On vous croit, qui, comme tu disais, fait suite à la campagne Agression non dénoncée ou Been Rape, Never Report. OK. Nous avons aussi Natacha Canépé-Fontaine avec nous, qui est poète, conférencière et une des représentantes du mouvement I Don't Know More. Natacha, t'es avec nous? Allô? Oui, allô? Oui, OK. Allô? Et Nous avons aussi notre collègue et stagiaire Pauline, dont je ne connais pas le nom de famille. Ferrari, ah, comme Ferrari, la voiture. Qui nous accompagnera tout le long de l'émission. Et nous allons d'ailleurs commencer par parler de radio et de la place des femmes dans la radio avec Audrey et avec Pauline particulièrement. Et on pourra aussi parler éventuellement de la place des femmes en général dans les médias avec nos autres invités qui joindront à nous dans ce premier panel. Alors, Audrey Gosselin-Pellerin, vous êtes animatrice d'Éveil Pandore. Est-ce que vous pouvez nous parler de qu'est-ce que c'est qu'Éveil Pandore? Oui, bien sûr. On est apparu il y a environ un an et demi sur les ondes de CKUT. Puis, donc, on fait partie du groupe de Hersey, qui sont des émissions féministes qui sont diffusées tous les mercredis à 18h à CKUT. Puis, bon, il y avait un petit trou les mois qui ont 5 mercredis. Donc, comme il y a seulement 4 émissions féministes, il y avait un petit trou ces mercredis-là. Alors, on a décidé de prendre la place. Alors, on apparaît tous les 3 mois. Puis, on se permet de parler de toutes sortes de sujets, que ce soit de porno féministe, de hacking, de cycloféministe, de littérature, d'art de rue. Donc vraiment, on a une belle liberté pour explorer toutes sortes de sujets, soit qui nous intéressaient, qui nous intriguaient, sur lesquels on voulait rechercher, ou dont ça fait très longtemps qu'on avait envie de partager avec l'auditoire de CKUT. Comment vous en êtes arrivé à animer Éveil Pandore? Ça fait plusieurs années que je m'implique à CKUT. Puis, donc, j'étais dans le collectif du lendemain de la veille, auquel Pauline participe maintenant. Puis, au fur et à mesure, en fait, que je découvrais mes intérêts pour le féministe, les enjeux féministes, j'ai commencé tranquillement à couvrir de plus en plus ce genre de sujet-là au lendemain de la veille. Donc, quand il était temps de réfléchir à quelle sorte d'émission j'aimerais avoir dans le futur, je me suis dit qu'il fallait que ce soit une émission féministe. Je pense que c'était nécessaire, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'émission féministe francophone vraiment à sécurité. Alors, je pense que ça devenait une offre intéressante, là. Oui, Pauline, tu es stagiaire ici à CKUT, mais c'est pas ta première expérience de radio, si j'ai bien compris. Exactement, j'étais déjà animatrice en France dans une petite radio associative qui est basée dans ma ville d'origine, hein, Toulouse, et donc qui s'appelle Good Morning Toulouse, et c'est ça qui m'a fait découvrir la radio quand je suis rentrée dans les études supérieures en sciences politiques. Et en fait, j'ai commencé à y aller un peu par hasard, et du coup, ouais, ça fait 2 ans que je fais de la radio dans une émission qui s'appelait Ciel mon lundi, qui en gros, c'était du divertissement à la base, et on était une dizaine de chroniqueurs, et on parlait tout de féminisme, d'environnement, on faisait des blagues, on parlait du people, on parlait de politique. Moi, je faisais une rubrique actu, et j'étais la vice-présidente de cet asso-là l'année dernière. Et voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé mon amour pour la radio. Et qui se perpétue encore ici à CKUT. Audrey, vous avez fait une émission l'année dernière dans cette campagne de financement qui portait sur les radios féministes à CKUT. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est que la radio féministe à CKUT? Il y a plusieurs émissions, il y a une série d'émissions qui s'appelle Hersey, dont fait partie plusieurs émissions. Exact, oui, c'est ça, c'est tous les mercredis soirs à 18h. Et à chaque semaine, ce sont des collectifs différents qui prennent les ondes. Donc, il y a Audio Smut qui s'intéresse à la sexualité, au genre. Il y a Older Women Live qui est un peu, qui l'explique en soi par le titre. Donc, ce sont des femmes plus âgées qui font de la radio. Il y a aussi In the Motherhood, donc qui s'intéresse à la parentalité. Puis Spitfire, ce sont des femmes de couleur qui discutent beaucoup de sexisme, de racisme, de l'intersection entre les deux. Donc ça, c'est le portrait de quelques émissions féministes, mais il y en a d'autres aussi un peu partout à CKUT. Il y a Venus, qui est une émission musicale tous les jeudis, qui fait d'ailleurs un radio key pendant la collecte de fonds. C'est toujours vraiment intéressant d'écouter ça. Puis c'est super intéressant. C'est les personnes qui sont impliquées dans le collectif ont vraiment élargi là, le mandat de Venus pour pas seulement représenter des femmes, mais aussi les personnes queer. Donc, vraiment de casser la boîte du genre, puis à travers la musique. Alors, oui, il y a vraiment une belle diversité d'émissions à CKUT qui s'intéressent au féminisme et au queer. Qu'est-ce que le CKUT a de particulier pour une femme qui fait de la radio? Moi, ce que je pense, c'est que CKUT a quelque chose de particulier dans le sens où on ne demande pas d'avoir... C'est difficile à expliquer, mais quand j'étais en France, les différentes expériences que j'ai eues en journalisme, pas qu'en radio d'ailleurs, c'était on vous considérait comme une femme avant d'être une journaliste ou avant d'être une animatrice ou avant quelque chose. C'était, on vous définissait par votre condition de femme, par le fait que vous avez un vagin et que toute votre vie et toute votre façon d'agir est liée à ça. Et avec toutes les réflexions sexistes qui puissent en découler. Et en fait, à CKUT, moi, je suis arrivée et j'ai commencé à faire mon petit bonhomme de chemin. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que ça, on s'en foutait, le fait que je sois une fille ou que je sois un mec et que ce qui comptait, c'était vraiment ce que j'avais à apporter en tant que personne et mes compétences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient en matière d'interview, etc. Et que c'était pas le fait que je sois une femme qui déterminait ce que j'allais faire. Et ça, c'est très, très important pour moi et c'est vraiment quelque chose. Alors, je sais pas si c'est lié au Québec en particulier, parce que moi, je suis française et en France, j'ai l'impression que les médias ne roulent que comme ça. J'ai déjà fait des expériences en journalisme où le premier truc qu'on m'a dit, c'est « Mademoiselle, allez me faire un café ?» Non, enfin, je suis pas là pour ça. Et enfin voilà, je pense que c'est ça aussi que CKUT apporte, c'est le fait que comme il y a tellement d'émissions diverses, justement le disait Audrey sur sur les queers, sur les transgenres, sur le féminisme, sur plein de sujets divers comme ça, et du coup ça amène des gens qui ont une diversité d'expériences, et c'est le fait aussi qu'on vous juge pas quand vous arrivez, quoi. Puis à CKUT, je pense que la base, c'est que c'est une émission en fait par la population, pour la population. Donc, les femmes ne sont pas incluses dans le processus. Elles font partie du processus CKUT. Elles sont impliquées dans toutes les instances, que ce soit sur le comité de direction, les employés, énormément de femmes sur les différents comités. Moi, je suis sur le comité de programmation. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées partout et sur les ondes et à la fois derrière, si on peut dire. Donc, c'est pour ça que c'est un endroit sécuritaire, ouvert à toutes sortes de contenus que les femmes peuvent offrir. Donc, aussi, c'est le temps d'en parler dans les campagnes de financement. Pourquoi les gens devraient donner à CKUT dans ce cadre-là? Bien, CKUT, c'est... Pour moi, ça a été une forme d'empowerment parce que ça m'a permis d'avoir accès à un média, de faire le média moi-même. C'était, il y a quelques années, jamais j'aurais pu penser faire de la radio. Pour moi, c'était complètement inaccessible. Donc, je pense que ça l'offre une place pour n'importe qui de venir apprendre comment faire soi-même un média et comment ensuite partager un contenu, le contenu qui est relié à son expérience, que ce soit en tant que féministe, en tant que militante antiraciste, etc. Donc, c'est vraiment important de soutenir une radio comme ça parce que on a besoin des dons à chaque année. C'est pas pour le plaisir, si je peux dire, qu'on fait une campagne de financement, c'est parce que CKUT en a besoin pour sa survie, pour continuer à payer le loyer, l'électricité, tout simplement, parce que tous les bénévoles ne sont pas payés, on n'est pas rémunérés en ce moment pour faire le contenu. Alors, on a besoin des dons pour survivre et pour continuer à offrir un bon contenu aux gens qui nous écoutent à Montréal. Puis je rajouterais également, pour faire contrepoids aux radios qui dominent le marché de l'information puis qui laissent peu de place aux émissions féministes ou aux points de vue féministes, entre autres. Et toi, pour toi, Pauline, pourquoi les gens devraient donner à CKUT? Pour moi, les gens devraient donner à CKUT déjà, au-delà de tout ce que vous avez déjà dit, c'est parce que c'est une radio indépendante. Et surtout, ça offre... Moi, le premier truc qu'on m'a dit quand je suis arrivée, c'est le credo, c'est « Voice for the voiceless ». Donc, c'est vraiment donner la parole à des gens qui n'en ont pas l'habitude et des gens qu'on ne couvre pas dans les médias mainstream. Et je pense que ça, c'est vraiment important de pas voir une seule face de l'information ou de la culture ou même des points de vue. C'est aussi voir la diversité que nous amène le monde dans lequel on vit. Et ça passe aussi par la radio indépendante, ça passe par de la musique que vous n'entendrez pas sur n'importe quelle radio, ça passe par des gens que vous auriez jamais entendus, que des livres que vous n'aurez jamais connus, plein de choses comme ça. Et donc forcément, CKUT aide à ça. Et au-delà de ça, ça amène une expérience pour tous les jeunes qui ont un jour dit « Ok, j'ai envie de faire de la radio, mais je sais pas faire de la technique, je sais pas parler dans un micro, je sais pas comment faire un reportage. » Bah ok, vous arrivez et en une semaine, vous savez faire. Et c'est juste génial d'avoir cette compétence-là personnelle et professionnelle. On peut dire, pour accompagner tout ça, que pour faire un don, vous pouvez appeler au 514-907-9424 ou consulter la page suivante, ckut.ca/donate. Si vous donnez 25 et plus, donc 25 $, évidemment, vous pouvez aussi avoir un livre Que ce soit les libéraux n'aiment pas les femmes d'Aurélie Langteau, la médiocratie d'Alain Deneau, démanteler les frontières contre l'impérialisme et colonialisme d'Archa Walia traduit en français, subversion que le journal du Bloc des auteurs anarchistes, volume 2, mater la meute et la militarisation de la gestion policière des manifestations de Leslie Wood, un printemps en rouge et noir, regard creusé, croisé sur la grève étudiante de 2012, collectif dirigé par Marcos Ancelovici et Francis Dupudé. Donc, cette question de sécurité, la place de sécurité, c'est aussi la question de sécurité par rapport aux autres médias. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer par rapport à ça, mais vous en avez déjà un peu parlé, mais peut-être qu'on peut aller plus à fond sur cette question-là. Oui, sans être vraiment pas une experte des médias, mais c'est évident que quand on regarde les médias traditionnels, on voit que ce sont pas les femmes qui dictent l'agenda des sujets qui sont couverts ou de la manière par laquelle les sujets sont rapportés. Et puis même, bon, maintenant, je pense qu'on voit de plus en plus de femmes, par exemple, aux téléjournaux, à la radio, Radio-Canada. Cependant, je pense qu'on peut quand même se poser des questions sur quel genre de femmes sont dans ces médias, puis lesquelles sont représentées souvent. Ce sont des femmes blanches. De quel milieu socio-économique elles viennent, on ne sait pas, mais on s'en doute un peu. Ce sont des femmes cisgenres, donc qui ont vraiment une identité de femmes, disons, classique, là, telle qu'on la voit. Donc, quelles perspectives sont absentes? Une multitude. Les femmes autochtones ne sont pas là. Les femmes de couleur ne sont pas là. Et j'en passe, là. Donc, voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Quelqu'une? Ben oui, je pense aussi que dans les médias traditionnels, on, en tant que femme qui veut devenir journaliste, qui veut faire des médias son métier, on nous offre aussi que certains modèles. C'est-à-dire que moi, comme je suis française, quand j'étais en France, le seul modèle qu'on m'offrait comme journalisme féminin, c'était Claire Chazal. Même si j'ai beaucoup de respect pour elle, mais c'était malheureusement une plante verte, quoi. C'était une nana qui était là, qui lisait un prompteur et qui, en débat politique, a tourné la tête vers la droite, vers la gauche, comme un match de Roland Garros, quoi. Et elle regardait passer la balle et de temps en temps elle faisait s'il vous plaît. Mais non. Et c'est le seul modèle qu'on offre aux jeunes filles aujourd'hui. On leur offre peu de modèles dans les positions de pouvoir, que ce soit en politique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans tous les secteurs de pouvoir. Et si en plus dans les médias on leur dit ok, toi ce que tu peux faire, c'est tu peux être une plante verte, tu peux être sur un studio et lire un prompteur et être toute jolie, et c'est ce qu'on leur propose. Et j'ai vraiment commencé à découvrir le journalisme au féminin avec des médias alternatifs, etc. Et sur quelques chaînes où ils ont commencé, il y avait notamment Samasula qui est une journaliste d'investigation qui est d'origine indienne, il me semble, et qui a couvert la guerre en Irak, elle a couvert des conflits assez difficiles, et les gens s'indignaient, quoi, parce qu'ils étaient ils ne comprenaient pas qu'on pouvait envoyer une femme sur ces terrains-là, parce que, et si vous regardez toutes les, quand il y a des journalistes tués ou pris en otage ou qu'il leur arrive des choses comme ça, sera beaucoup plus de critiques si elles sont des femmes. C'est-à-dire, si c'est des femmes qui sont fait capturer ou quoi que ce soit, on va dire elles avaient qu'à pas aller là-bas. Elles ont pas allé là-bas, alors que si c'est des hommes, ça va être plus ah oui, mais le devoir d'information, la liberté de la presse, etc. Et rien que cette dichotomie entre les deux visions, ça donne juste envie de gerber, et on se demande pourquoi, quoi. Et il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de faire du journalisme, mais au final, elles vont finir en quoi? Elles vont finir en culture, elles vont finir dans des magazines féminins, parce que c'est ce qu'on vous propose. C'est ce qu'on vous propose. Moi, quand je tentais des stages en journalisme, moi, je voulais être à la rubrique politique, faire de la politique pure ou faire de l'information pure. Et on me proposait culture ou style de vie ou jardinage ou cuisine. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est clair. Ouais. Audrey, Gosselin-Pellerin, animatrice de Vipandore. Oui. Une autre chose à laquelle je viens de penser, c'est aussi lorsqu'il y a des sujets, disons, qui touchent les femmes, qui peuvent être apportés par les médias, ce que personnellement, moi, je remarque souvent, c'est que le journaliste ou la journaliste qui ne sera pas vraiment informée sur différents enjeux féministes va souvent rapporter des vieux clichés, va toujours reconfronter la personne, l'intervenant, l'experte, peu importe, à à des vieux clichés, comme je le disais, puis ça permet pas de faire avancer les choses parce qu'il faut toujours commencer par réfuter les faussetés, les idées préconçues du féministe avant de pouvoir même avancer et couvrir le sujet. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, tu sais, des médias communautaires comme CKUT, c'est qu'on on nous reconfronte pas à ça, on fait confiance qu'en fait, en tant que féministe, on a réfléchi un peu sur le sujet, qu'on y a pensé, puis let's go, on y va en profondeur dans les enjeux qui sont abordés. Puis je pense que ça, c'est vraiment une grosse distinction entre les médias communautaires et les médias traditionnels. Alors, vous aurez compris, vous êtes toujours sur CKUT, dans la campagne de financement. Donc, pour faire un don, appelez au 514-907-9424 ou sur la page ckut.ca/vers la droite donate. Ça nous amène à parler des femmes dans les médias plus généralement. Et je suis sûr que mes autres invités ont plein de choses à dire là-dessus. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours avec Audrey Gosselin-Pellerin, animatrice des Feux Pandore, qui devrait nous quitter sous peu parce qu'elle doit partir. Le travail m'appelle, crois. Oui. Maud Chalvin, qui est chargée de projet du RQ-Calac. C'est qu'on se partage le rôle d'agente de communication. J'ai pas eu le temps de l'expliquer. OK. Là, on est agente de communication et chargée de projet, dans le fond. Nous sommes aussi avec Lauriane Fontaine, qui est, comme j'avais dit, une des femmes autochtones au Québec, en fait, parce que l'organisme s'appelait Femmes autochtones du Québec et maintenant a changé pour Femmes autochtones au Québec. Pourquoi ce changement, d'ailleurs? Bien, en fait, parce que on n'appartient pas nécessairement au Québec. Donc, exactement, on appartient... lorsqu'on dit du Québec, c'est comme si on appartenait au Québec. Donc, au Québec, c'est qu'on vit sur les terres du Québec. J'avais bien compris, mais c'est bien pour que tout le monde puisse comprendre aussi qu'on pose cette question, je crois. Natacha Canépé-Fontaine, qui est poète, conférencière et une des représentantes du mouvement I Don't Know More Québec. Natacha, t'es toujours avec nous? Oui, toujours là. OK. Donc, je suis sûr que vous avez tous, toutes, plutôt toutes, d'habitude, je suis féministe tout le temps, mais aujourd'hui, j'ai une féministe que parce qu'il n'y a pas besoin de masculin, il n'y a pas d'autre masculin que moi ici. Ben, il y a sûrement du masculin peut-être, mais en tout cas, les hommes en tant que tels, cis, il y a juste moi. Alors, donc, je ne cherchais pas le masculin dans mon expression. Donc, vous avez sûrement plein de choses à dire sur la place des femmes dans les médias, mais je ne sais pas qui veut commencer. Bien, moi, je voulais abonder dans le sens d'Audrey. Juste l'exemple que tu donnais, je le trouve excellent de dire que dans les médias mainstream, disons, ou dominants, très souvent médias commerciaux, on va passer le temps à se défendre, comme tu disais, sur des clichés. Puis l'agression, si on parle, le thème des agressions sexuelles est un exemple très flagrant dans ce cas-ci, parce que même si on a un message à porter, on réussira jamais à se rendre jusqu'au message. On va toujours rester avec les questions de « oui, mais les fausses allégations ». Oui, oui, là, le 0,03% ou oui, mais pourquoi elles vont pas à la police? Puis il faut le répéter, puis malgré, comme tu disais, Christian, qu'il y a eu un grand mouvement avec agression non dénoncée, il faut encore répéter aux journalistes, non, il y a seulement un crime sur 10 qui est rapporté à la police. Mais on fait qu'on reste vraiment au B.A.B.A., puis on n'arrive pas à donner du contenu. Je voulais juste abonder dans ce sens-là. Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Mais je rajoutais juste que je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait. Là. Depuis plusieurs jours, nous, on est... ensevelis d'entrevues, c'est super parce que en fait ça nous permet en fait de parler, mais bon là dernièrement on a recommencé à avoir ces mêmes questions et là justement bon il y a eu cette question d'avoir de pétition des policiers qui est sortie aussi donc là on commence à nous poser les questions, tu sais, à la place de parler du sujet, bien là on commence à parler de l'envers de la question là, donc on retourne dans les questions un peu négatives, on n'avance plus dans le sujet. Donc, je te dirais que c'est ce que j'ai remarqué là, dans les dernières journées. Là. Dans les premières journées, on était vraiment dans le vif du sujet. On l'est encore, mais je trouve que, tu sais, comme j'ai parlé avec les personnes qui ont donné la majorité d'entrevues, et c'est ce qu'on a remarqué aujourd'hui surtout. Donc, j'imagine avec cette pétition-là qui est sortie, il y a certains articles négatifs qui sont sortis aussi sur le sujet des femmes autochtones violentées à Val-d'Or. Donc là, c'est la voix des policiers qu'on commence à entendre. Et là, donc, on dirait que ça fait ressortir un peu le méchant dans tout ça. Là. Donc, mais ça arrive dans n'importe quel, n'importe quel sujet. Donc, c'est normal d'avoir toujours des opinions d'un côté ou de l'autre, mais ça nous fait toujours un peu reculer, je pense, dans nos entrevues. Oui, ouais, je rajouterais aussi par rapport à ça, qui est justement, c'est la première fois dans la société québécoise, canadienne, que là, on entend parler des autochtones. Pour exactement. Puis en plus, il y a des intervenants autochtones qui maîtrisent soit la langue française ou même maîtrisent la langue anglaise maintenant, qui sont capables de s'exprimer et d'expliquer clairement tous les facteurs, toute l'histoire, tout. Et les gens, on dirait que c'est comme s'ils ils sont désarçonnés parce que déjà au départ, ce n'est pas leur idée des autochtones. Exactement. Fait que là, ils les voient à la télévision, ils les voient parler, ils les voient comme... débattre de tout plein de sujets, puis là, ils sont complètement... surpris, c'est pris ça que comme tu dis, oui, que comme tu dis, ça sort le méchant. Mais dans ce dossier-là, du côté des autochtones, des enjeux autochtones, c'est le temps enfin que ça sorte. Mais oui. C'est pour ça que moi, tu sais, je vois tout ça. J'ai observé aussi le fait des questions qui, les questions, les entrevues qui ne mènent à rien, mais qui font tourner l'entrevue en rond finalement. Puis à chaque fois, je suis déçue. Tu sais, justement, des grands médias comme Radio-Canada dernièrement. Oui. Hier, j'ai vu l'entrevue avec Alexis Ouahouanoloap et Michel Audette, avec Céline Galipeau. Mais je trouvais qu'on mettait pas les mots sur la bonne affaire, mais je pense que c'était beaucoup à cause des questions qui étaient posées. Puis à ce moment-là, j'ai comme le réflexe aussi de vouloir questionner le journalisme des grands médias de masse. Mais parce qu'à un moment donné, l'information doit passer. Si les gens de la population qui ne connaissent rien sur les Autochtones, ils doivent en apprendre plus et de façon nette, et de façon juste. Mais ce n'est pas rendu par le travail journalistique des médias. Mais on a de très bons intervenants. Puis ça, moi, je suis très fière de toutes les personnes que j'ai vues intervenir jusqu'ici. Isabelle Picard, Michel Audette, Mélissa Moïse, tout le monde en parle. Puis, je parle beaucoup, mais je trouve ça extraordinaire aussi qu'on soit de plus en plus présent à la télévision. On commence à l'être dans les radios, dans plusieurs émissions de radio, mais à la télévision surtout. C'est nécessaire parce qu'il y a aussi le visuel. Les gens ont besoin quand même de visuel pour pouvoir voir des gens, puis les entendre, puis avoir une idée de la personne qu'ils entendent. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux, en fait, quand j'ai écouté... on en parle hier soir. Là, j'ai eu un frisson. J'ai eu l'impression presque que c'était historique. Puis je pense que c'est historique quand même. Mais c'est un fait, là, parce que ce qui passait dans les médias, c'est toujours blanc ou noir. T'sais. C'était soit super, super positif ou super, super négatif. On a rarement eu une image normale, en fait, parce que, je veux dire, nous, en tant qu'Autochtones, on est des gens normaux, là, tu sais, je veux dire, on vient pas d'une autre planète non plus, donc ça fait du bien, en fait, de voir des gens comme, justement, comme tu dis, comme Mélissa Mollen-Dupuis, comme Michel Audette, comme, j'ai un blanc de mémoire sur son nom. Est-ce qu'elles sont normales? Il me semble que c'est des femmes extraordinaires. Non, mais tu sais, oui, là, c'est sûr qu'en ce moment, avec ce qui se passe, ça prend un courage surhumain, je pense. Puis c'est beau, en fait, qu'enfin que les médias puissent donner la place aux Autochtones pour parler de ça, et que ça ait pris, par contre, un drame aussi incroyable, ben je trouve que ça nous fait quand même un peu reculer dans le temps, parce que ça a pris quand même quelque chose comme enquête pour faire ressortir le méchant, mais un méchant que, dans les communautés autochtones, les gens étaient déjà, du moins, au courant. Là. Donc là, c'est pour que tout le monde soit au courant de ça, ça aura pris l'émission Enquête, puis... L'émission Blanche, tenue par... Deux dames, oui, blanches, exactement. Qui ont eu le courage de mener cette enquête-là. Oui, ça, c'est certain. Il faut leur donner ça, là. C'est quand même une émission qui a repris une ampleur. Je m'imagine qu'elles s'en doutaient, là, de l'ampleur que ça allait prendre, par contre. Mm. Mais, tu sais, je lève mon chapeau à ces femmes-là, là, parce que je pense que ça pourrait mener à quelque chose. Puis, en tout cas, on se croise les doigts. À celles qui ont décidé de dénoncer ouvertement à visage dévoilé, parce que les deux dernières années, on a vu beaucoup de dévoilement, c'est-à-dire sans qu'il y ait nécessairement de dénonciation de l'agresseur, mais seulement de nommer le fait qu'on a eu une agression. Mais à visage dévoilé comme ça, c'est un acte encore plus courageux. Moi, j'avais envie de revenir sur ce que tu disais, Laurence, parce que tu disais, dans les derniers jours, on a eu plus de questions négatives ou en tout cas qui nous faisaient reculer. On a donné de la place à l'opinion des policiers qui sont rendus presque les victimes là-dedans. Puis là, on se rappelle qu'on est à peine lundi. C'est sorti jeudi soir. Fait qu'en à peine 3-4 jours, on a eu un ressac, un backlash qui s'est créé. Puis oui, comme tu dis, dans tout sujet, il y a un... Il y a des pour, des contre, des opinions différentes, mais je pense que quand on touche au sujet féministe, et là, non seulement au sujet de la violence faite aux femmes, mais au sujet des femmes autochtones, encore plus, on est en train d'attaquer non seulement un tabou, mais un rapport de pouvoir très fort. Mmh. Puis, comme disait Natacha, enfin... On parle des femmes autochtones, mais je pense qu'on va encore, ben, je sais pas si on peut dire plus loin, mais ce que je suis heureuse, si je peux dire, c'est qu'on parle pas seulement des femmes autochtones, mais du rapport de pouvoir dans lequel elles sont dans la société actuellement. Mm-hmm. Fait que puis c'est ça qui fait, selon moi, le backlash, c'est qu'on est en train de pointer des blessures coloniales. On est en train de dire, non, c'est il y a pas seulement des agresseurs, un rapport de pouvoir homme-femme, il y a ici un rapport de pouvoir qui est hérité d'un passé colonial. Puis est-ce qu'on devrait dire un passé ou une colonisation qui est toujours en cours aujourd'hui? Et fait, en tout cas, pour moi, là, c'est vraiment un cas... Ça part de loin. Oui, puis quand tantôt tu nommais le terme d'intersectionnalité, je sens l'intersection qu'on a entre ces différents rapports de pouvoir, non seulement non-autochtones, autochtones, hommes-femmes, mais ici encore, t'as en plus la police et la citoyenne. Fait qu'on est vraiment comme à l'intersection d'un rapport d'autorité, puis même qui vient depuis la fondation du pays, si on peut dire. Là, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Mais je pense... Je voudrais même dire, rapport au rapport policier-citoyenne, mais la citoyenne... celle qu'on considère citoyenne dans ce cas-là est autochtone, mais selon la loi sur les Indiens qui est toujours en vigueur au gouvernement canadien, elle n'est pas citoyenne canadienne, elle est considérée comme mineure. Donc, il y a ça aussi qu'on vient questionner, je pense que j'ai l'impression qu'on va venir chambouler aussi la loi sur les Indiens au travers de ça, puis autant que ça part de loin, autant que ça va chercher les loins des sujets et des débats qu'on a toujours mis de côté. Oui, ça c'est certain. Mais je pense aussi qu'en fait, c'est peut-être un devoir des médias, un média qui a comme devoir sociétal de donner l'information, devrait également donner un, si je peux utiliser le terme background, l'histoire des Autochtones. Parce qu'au Québec, malheureusement, on n'est pas assez informé sur l'histoire des Autochtones. C'est pas donné dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose qui devrait changer parce qu'au Canada, c'est en train de changer dans le reste du Canada. On commence à donner l'histoire des Autochtones dans l'école, donc je comprends pas qu'au Québec, c'est pas encore quelque chose qui est en vigueur ou du moins qui se fait pas encore. On n'en entend pas parler et il faut que ça change parce que les gens, je veux dire, je lis des commentaires sur des articles qui sortent en ce moment et c'est assez peinant de lire des choses comme ça parce que on retourne à des choses que nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on connaît l'histoire des Autochtones, mais ces gens-là connaissent clairement pas cette histoire-là, connaissent pas l'histoire à partir de la colonisation, des pensionnats. Écoute, c'est des choses qui sont des choses graves qui leur sont arrivées. Et là, aujourd'hui, tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, je lis des commentaires puis ça me donne des frissons parce que c'est horrible qu'est-ce que je peux lire parfois. Et là, c'est là que je me dis, mais c'est un devoir des médias, je pense, d'également parler de cette histoire-là, en plus des écoles là, qui devraient déjà en parler aussi. Là, c'est le temps, Christian, de dire qu'on peut pas compter seulement sur les médias commerciaux pour parler, pour donner le contexte. Et rappeler la campagne de financement de sécurité dans ce cas-là. Et d'appeler au 514-907-9424 ou sécurité.ca/vers-la-droite donate. Ça nous rappelle à l'émission Enquête, parce que bon, on en parle, mais pour ceux qui ou celles qui auraient manqué l'émission Enquête ou qui reviendraient d'une place où il n'y a pas la télévision ou l'Internet, c'était quoi cette émission Enquête? Je ne sais pas qui veut commencer à parler de cette dernière émission. J'avoue que je ne l'ai pas regardée parce que justement, Mélissa, tu m'en parles, elle a expliqué. Je pense que c'est elle. Mais moi, c'est Isabelle Picard, en fait. J'en ai tellement entendu parler de ces histoires-là. Je connais trop de personnes à qui c'est arrivé, pas nécessairement par le corps policier, mais par toutes sortes d'autres personnes. Mais c'est des faits que je sais qui existent, mais on n'avait aucun moyen auparavant de les dénoncer. Ils n'avaient aucune aide et les policiers ne faisaient jamais avancer les dossiers. Donc, qui sait, déjà, les questions se posaient depuis longtemps. Et puis, moi, regarder ça, ça aurait été réveiller toute ma douleur que j'ai moi-même par rapport à toutes les femmes autochtones qui m'entourent, à toutes celles que j'ai connues, à toutes celles que j'ai perdues au travers de ces événements-là. Puis, donc, juste pour dire que je ne l'ai pas regardé, mais à quel point, pour une femme autochtone, c'est fort qui arrive, c'est très puissant, autant côté, oui, négatif, mais positif en même temps, pour voir qu'enfin, on s'est dit publiquement. Il faut mentionner aussi qu'à la base, l'enquête se faisait... par rapport à l'histoire de Cindy Rupert House, donc qui est disparue depuis un peu plus d'un an et que sa famille recherche. Et c'est justement quand on a rencontré, on a fait un cercle au centre d'amitié de Val-d'Or. Mm-hmm. Et là, c'est justement quand il y a eu cette rencontre-là de ces femmes-là qu'il y a certaines histoires qui se sont mises à sortir. Parce que dans le fond, la police a commencé à enquêter sur l'histoire de Cindy, quelque chose comme... pratiquement un an après sa disparition. Donc, c'est là que les femmes, en se rencontrant, ont commencé à raconter d'autres histoires. Et là, on s'est rendu compte que ben ça allait beaucoup plus loin que juste... Ben, je vais pas dire juste la disparition de Cindy, parce que c'est déjà beaucoup, mais ça allait encore plus loin que ça. Là. C'était pas un cas isolé. Exactement. Là. Donc, c'était un cas qui allait au-delà, je pense, de ce que les deux journalistes qui sont allés pouvaient s'attendre. Mais par contre, ça aurait permis justement, je pense, de sortir une histoire qui se passe beaucoup trop court, beaucoup plus souvent qu'on pourrait le croire. Et on aurait pu peut-être démystifier quelque chose là, qui doit changer, là, donc qui va permettre peut-être de changer, justement, d'apporter un changement qui est plus que nécessaire au Québec. Oui, parce que là, les gens, ils font les surpris. Ah, on apprend, il y a la violence policière, la violence coloniale, mais genre, c'est depuis 400, 500 ans que ça existe. Genre. Mais ça passe pas la barrière médiatique habituellement. Mm-hmm. Il y a quelque chose de nouveau. C'est ça qui est différent. Hein. Parce qu'entre autres, je voulais vous relancer, mais de toute façon, vous en avez parlé. Quand on a parlé de la place des femmes dans les médias, mais on a pu parler aussi de la place des femmes autochtones dans les médias. Oui, vous en avez parlé. Puis aussi que les médias sont monopolisés par les Blancs, comme à peu près tout dans la société coloniale. Fait que c'est pas étonnant que ça passe pas la barrière des médias. Heureusement, grâce à les journalistes et à toutes les femmes qui ont témoigné, et à cette femme du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or qui semble avoir joué un rôle assez important dans l'histoire, c'est sorti. Mais enfin, ça sort. Puis là, on a des policiers scandalisés qui disent « Ah, on nous attaque dans les médias, la ministre de la Sécurité publique nous attaque, ils font signer des pétitions, vous en avez parlé. » Mais aussi, la police, on entend régulièrement parler de qu'est-ce qu'ils ont à dire. Alors, ce qui n'est pas le cas du tout pour les femmes autochtones et les autochtones aussi en général. Maude, Chalvin. Puis, c'est... En fait, c'est emblématique ou c'est typique d'une réaction en cas d'agression sexuelle où c'est un des rares crimes où c'est l'agresseur... je recommence. C'est un des rares crimes où c'est la victime qui va être culpabilisée. Alors, on va dire, mais voyons, elle détruit la réputation d'un homme, d'un bon père de famille, est en train de détruire la famille. On sait que presque une grande, grande partie des agressions sexuelles ont lieu dans la famille, dans l'enfance. Et c'est ça, on va culpabiliser la victime plutôt que l'agresseur. Puis c'est exactement ce qu'on voit. C'est les titres de, je sais pas, je lisais le Journal de Montréal ou quoi, mais c'est je me souviens plus. On a détruit la vie de certains policiers ou, tu sais, c'est des titres où on va aller culpabiliser les femmes qui ont osé dénoncer. En fait, c'est qu'ils ne se sentent pas appuyés, ils se sentent délaissés dans toute cette histoire-là. Les policiers? Ouais. C'est ce qui était écrit, dis-moi, c'est ce que je me souviens. Là. Alors que s'il y a des gens qui ont été délaissés, c'est les femmes autochtones ou les communautés autochtones, et ça depuis le début de l'histoire du pays. Ouais. Ce qui est dangereux là-dedans aussi, c'est que justement, moi, lorsque j'entends du corps policier qui demande l'appui ou qui dénonce se sentir délaissé, mais le danger, c'est justement que eux, déjà que, mettons, toutes les personnes qui ont fait ces agressions, puis toutes les personnes autour qui ont couvert tout ce qui s'est passé, parce que pour eux, une agression contre un autochtone, c'est même pas une agression. c'est normal. Et c'est que là, les gens, ils vont avoir tendance à couvrir ça comme si de rien n'était. Et, puis là, justement, en voulant faire pitié, en disant, on se sent délaissé, puis là, les gens, ils veulent nous détruire, ils veulent détruire nos réputations, ils veulent détruire la confiance que les citoyens ont envers les policiers de Val-d'Or, par exemple. Mais ils vont, j'ai l'impression qu'ils vont encore jouer sur les préjugés que la population, que les citoyens de l'Abitibi ont déjà sur les Autochtones. Mm-hmm. Eux, ils vont, j'ai peur qu'ils veuillent utiliser encore ce même préjugé-là pour pouvoir regagner leur réputation, regagner leur cause, alors que c'est eux qui sont en cause. C'est comme, il y a un problème, il y a vraiment une problématique dans la mentalité des gens. Puis ça, je l'ai vu souvent. Moi, je viens de la Côte-Nord, je me décombe, puis je l'ai vu, et puis je l'ai ressenti. Je suis allée en Abitibi quelquefois à Val-d'Or, puis je l'ai vu aussi, puis c'est ce qui me fait peur. Mais moi, ce que je blâme, c'est le manque d'éducation dans ces endroits-là. C'est des endroits où c'est des mines, c'est des compagnies forestières qui ont amené les gens, les générations à habiter, à occuper le territoire, dans ce territoire isolé où il y avait déjà de la présence autochtone. Mais je dirais, le racisme et la discrimination a été créé par justement ce processus de déjà l'intention à la base d'aller habiter dans ces coins-là, c'était l'exploitation des ressources naturelles. Ouais. Mais là, les obstacles à l'exploitation des ressources naturelles du territoire, mais c'est les Autochtones. Donc, c'est des préjugés, des stéréotypes qui ont été nourris avec le temps, mais on n'a pas plus cherché à éduquer les gens sur qui sont les Autochtones avec la mentalité de l'époque, quand on a commencé à exploiter le territoire, mais jusqu'à aujourd'hui. Il y a un profond manque d'éducation et je l'observe des fois chez les policiers aussi, de partout, qui sont complètement racistes envers les gens qui, justement, comme on dit, ils sont supposés protéger, mais ils ont des préjugés, puis ils ont une manière d'intervenir qui peut être grave au final. Puis dans ce cas-là, par rapport entre la Sûreté du Québec et les femmes autochtones, il y a plusieurs dangers comme ça, où on va tenter justement de faire taire les femmes autochtones ou de diminuer les conséquences de la diffusion d'une mission comme celle, la dernière d'enquête. On va devoir faire une courte pause pour reparler de la campagne de financement. Il y a Aaron Lykoff, qui est le coordonnateur des nouvelles, qui est un peu notre patron. Salut, Christian. Je suis vraiment pas un patron. On n'aime pas vraiment les patrons ici à CKUT. Ouais, d'ailleurs, c'est le bon côté, je voulais dire. Que pour les gens qui ont des problèmes avec l'oppression en général et les rapports hiérarchiques, comme moi, j'aurais bien la misère à faire de la radio ailleurs qu'ici, parce qu'ici, on fonctionne quand même très largement sur des bases horizontales, même s'il y a des postes. Et c'est encore une autre raison pour les auditeurs et auditrices de donner à CKUT pour supporter un radio communautaire qui partage des bonnes valeurs de horizontalism et de pas trop aimer les patrons et de toujours soutenir des luttes de base. Mais juste pour donner une petite mise à jour de ce qui se passe en haut, alors déjà, sur En profondeur, on est rendu à 85 $. Il nous reste juste 15 $ pour atteindre le but. Le but pour cette émission, c'est 100 $. Alors, moi, j'espère bien qu'entre maintenant et 6 heures, alors il nous reste un peu plus que 10 minutes, on peut avoir une personne qui peut appeler au 514-907-9424 pour donner 15 $. Et nous, on va être très contents en haut. Mais sinon, le total pour la campagne en général, c'est 14 245. Ce qui est excellent, mais je vais juste rappeler tout le monde que le but de la campagne de financement, c'est 50 000 $. Alors, il nous reste un peu de chemin à faire. Il y a toutes sortes de beaux cadeaux, des livres, des calendriers. Pour chaque don, vous recevez quelque chose de très spécial. Il y a le temps des fêtes et Noël, blablabla, tout ça, des anniversaires. Alors, c'est aussi une bonne opportunité d'avoir des cadeaux. Les libéraux n'aiment pas les femmes, d'Année 25 qui est plus, la médiocratie d'Alain Deneau, démanteler les frontières contre l'impérialisme et le colonialisme d'Archawalia, Subversion qui est le journal du Bloc des auteurs anarchistes, volume 2, Mater la meute, la militarisation de la gestion policière des manifestations de Leslie Wood, Un printemps en rouge et noir, record croisé sur la grève étudiante de 2012 dirigée par Marcos Ancelovici et Francis Dupideri, et ainsi de suite, il y a plein d'autres prix aussi, en tout cas. Appelez au 514-907-9424 ou allez sur la page web à ckut.ca/donate. Alors, on essaie de balancer les choses aujourd'hui, ce qui n'est pas facile, mais je veux absolument que l'émission, entre autres, porte sur la question d'enquête et de l'émission sur la violence coloniale, sur la violence sexiste et sur la place aussi des femmes dans les médias, parce que ça s'imposait, tant qu'à moi. C'était le sujet dont il fallait parler aujourd'hui. Même si ça paraît un sujet très lourd par rapport à une campagne de financement, essayer de balancer entre les deux, mais c'est quand même des sujets dont m'a rappelé Aaron et je me suis rappelé moi-même aussi, qu'on parle quand même assez régulièrement en sécurité. C'est pas la première émission qu'on fait sur ces sujets de violence coloniale, de violence sexiste, de violence sexuelle en général aussi, et de violence en général de l'oppression. Alors, on pourrait revenir, entre autres, parler de « On vous croit » avant que l'émission finisse, parce qu'il reste plus des tonnes de temps non plus. Alors, Maude Chalvin, vous êtes gestion de projet et agente de communication, non chargée du projet qui s'appelle « On vous croit », qui suit à agression dénoncée. Oui, plutôt en fait, non c'est pour les CALAC qui sont tenus à souligner le 1 an suite au début du mouvement francophone, le penchant francophone de Being Raped Never Report, qui faisait suite à l'affaire Gomeshi, donc les différentes dénonciations, dévoilements d'agressions sexuelles dans le milieu médiatique, et qui a amené tout un mouvement. Je m'étendrai pas là-dessus. Je pense que ça a été bien couvert, ou je ne sais pas si je dirais bien couvert, ou les femmes elles-mêmes ont créé le média dans ce cas-ci, parce que c'est elles qui sont mises à... je veux pas utiliser le mot coloniser, mais à s'épandre et prendre leur place. Oui, à prendre leur place, merci, sur les réseaux sociaux pour elles-mêmes faire surgir le sujet, un sujet qui est là depuis toujours, mais qui a toujours une couche de silence ou de tabou social par-dessus. Et donc, pour souligner le 1 an, les CALAC, donc les différents centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les différents CALAC voulaient souligner, remercier le courage, la bravoure des femmes qui ont osé, comme le cas des femmes autochtones, qui ont osé dévoiler, dénoncer les agressions par la SQ à visage découvert. Mais bon, la campagne est née quelques jours avant, c'est un hasard, si on peut dire. Et la campagne s'appelle hashtag On vous croit, puisque le premier geste qu'on peut poser pour soutenir une survivante d'agression sexuelle, c'est de la croire. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles les femmes ou les hommes victimes d'agression sexuelle ne vont pas dénoncer, parce qu'ils ont peur de ne pas être crus. Et en fait, je pourrais faire du pouce que disait Natacha quand elle disait une agression envers une femme autochtone, c'est presque pas une agression tellement... À cause du racisme colonial, on va les considérer comme des objets jetables. Puis j'ai aimé le lien, Natacha, que tu faisais avec le territoire, dans la mesure où c'est une région d'extraction, où le territoire, les ressources naturelles également sont jetables. Et donc, bref, des femmes qui sont jetables et donc qui ont très peu de crédibilité. Donc, on n'a pas peur, si on peut dire, qu'elles dénoncent, parce qu'on se dit « personne va les croire ». Puis les femmes le disent elles-mêmes, oui, j'étais en état d'ébriété, ou il y avait tel facteur. Donc, les hommes en position d'autorité, blancs de surcroît, vont dire, même quand même bien que j'ai fait mal, elle va dénoncer, puis personne va les croire. Fait que c'est pas pour rien qu'on a des taux effarants d'agression davantage chez les femmes autochtones que chez les femmes non autochtones. On parle d'un taux d'agression sexuelle de 80%. Donc, la très grande majorité des femmes autochtones vont, au cours de leur vie, être victimes d'une ou des agressions sexuelles. Et je voulais comparer, il y a d'autres femmes qui vivent des contextes de vulnérabilité qui vont également avoir des taux d'agression plus élevés pour la même raison, c'est-à-dire qu'on leur donne pas de crédibilité. On pense, par exemple, aux femmes en situation de handicap. Une femme qui vit avec une déficience intellectuelle, ces femmes-là ont également des taux d'agression sexuelle de l'ordre de 80%. Pourquoi? Parce que l'agresseur va se dire, personne va la croire. Ils vont se dire, ben voyons, elle est pas belle, elle, pourquoi qu'il l'aurait agressée? Elle fait ça pour se rendre intéressante. Ou si elle a une déficience intellectuelle, ben les gens vont dire, ben non, elle raconte n'importe quoi, on lui donnera pas de crédibilité. Donc, c'est le même regard qu'on jette sur des femmes qui dont la parole a peu d'importance et ce qui donne un peu une carte blanche ou une impunité un peu gagnée d'avance aux agresseurs qui se disent et qui puis tant mieux là l'histoire leur prouve qu'ils ont eu tort parce que ces femmes-là malgré le fait qu'elles savent qu'elles ont peu de crédibilité, c'est-à-dire que leur parole est pas prise au sérieux, elles ont quand même malgré ça osé dénoncer. Fait que on espère que l'histoire va leur donner tort dans le sens que la société québécoise va être prête à leur donner de la crédibilité. Puis pour ça, ça va prendre plus que 2-3 jours d'attention médiatique. Comme tu disais, Lorraine, on est déjà un peu dans un ressac, tu sais, où on porte plus attention aux policiers. Moi, j'ai hâte de voir si... Mais on voit déjà aussi des conseils de bande, des chefs autochtones, différentes organisations autochtones qui se prononcent. Il va y avoir une grosse rencontre avec les 43 chefs demain ou mercredi? Mardi, oui. Mardi, ouais, c'est ça, demain. Val-d'Or. Donc, tu sais, déjà, on voit qu'on se rassemble, on essaie de mettre un plan d'action, je pense. Et c'est nécessaire aussi. Mm-hmm. Puis que pour une fois, ça soit également les femmes, comme tu disais, Natacha, qui ont la voix ici, mm-hmm. qui sont en avant. Mm-hmm. Puis on attend aussi de voir comment on peut aider en tant que non-autochtones les autres organismes. Comment, mm-hmm. je pense que Christian a fait un pas dans ce sens-là en donnant la voix, en donnant un espace pour en parler. Mais il va falloir que les autres suivent. Je voudrais juste mentionner aussi qu'il va y avoir une vigile jeudi à Montréal, à Place des Arts, donc à 6 heures. Donc, si vous voulez venir montrer votre soutien, écoutez, pour le moment, je pense que c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire parce que, écoute, plus on va être, plus nombreux on va être, le mieux ça va être. Donc, donc jeudi, soyez à Place des Arts à 18 heures. Il va y avoir une vigile. Amenez des chandelles, idéalement électriques. écoutez, on va se rassembler pour ça et on va soutenir toutes les femmes autochtones autant de Val-d'Or que dans le restant du Québec parce que nous, depuis que c'est arrivé, juste à Femmes autochtones au Québec, il y a des femmes qui sont venues nous témoigner, qui sont venues nous raconter leur histoire et je pense que ça pourrait créer cette espèce de vague aussi de dénonciation. Est-ce qu'on est prêt à recevoir cette vague-là? Seul le temps ne le dira, mais je pense que c'est important de venir montrer votre soutien. Si vous pouvez pas le faire physiquement, au moins sur les médias sociaux. Les médias sociaux sont en feu en ce moment, et je pense que c'est important de profiter de ce momentum-là. Je veux pas dire de profiter de cette histoire-là parce que c'est tragique, mais par contre du momentum qu'on a en ce moment pour parler là, de la situation autochtone au Québec. Et continuer d'agir aussi pour demander une commission d'enquête. Exactement. Indépendante, nationale. Et indépendante. Et Maud voulait dire quelque chose et je vais laisser le mot de la fin à Natacha Canepé-Fontaine. Oui, je réalise que j'ai pas fait mon annonce complète de la campagne, pardon. seulement de, si vous voulez suivre la campagne, on vous croit, c'est de suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, le hashtag on vous croit, qui va avoir son penchant en anglais d'une campagne qui est sortie, en Alberta, qui est I Believe You. Au Québec, on l'a mis collectif, on vous croit. Et il y a un Facebook également, une communauté Facebook, on vous croit. Je voulais laisser le mot de la fin à Natacha Canepé-Fontaine. Je voulais demander si tu n'avais pas un poème à nous lire aussi, puisque je t'avais parlé de ça hier. Ah oui, c'est vrai. Si ça tente pas, c'est pas plus grave. Oui, j'en ai un. OK. Alors, dans le fond, la fin t'appartient. Merci. Je suis ma grand-mère, ma mère, moi. Je suis la fille, la mère, la grand-mère. Je le ferai à l'envers. Je suis la fille, la mère, la grand-mère. Je suis ma grand-mère, ma mère, moi. Je suis la lune, la terre, la mer, ma mémoire. Mes entrailles, mon sang. Un tremblement territoire. un grondement d'enfer, le cœur, les matrices vidées. Je heurte un tambour immense, asséché. Ma terre, je la prendrai dans ma main. Je la soignerai avec un pan, ma jupe, essuiera ses larmes noires, mes cheveux, ses joues creuses. Je la bercerai en ses tremblements. Je ne dors plus. L'endormirai sur mes genoux et saluerai mes ancêtres de la main avec le bégaiement, l'enfant à naître que je suis. Voilà. Magnifique. Migwetch. Merci. Moi, je comprends pas. Alors, Migwetch, Natacha. Donc, je vous rappelle, merci, Migwetch, André Gosselin, pèlerin, animatrice des Rives Pandore, Maud Chalvin, chargée de projet du Arkikalak, Lauriane Fontaine, qui est une des femmes autochtones du Québec, qui travaille pour l'organisme autochtone au Québec. Il faut se rappeler que c'est au Québec et non du Québec, maintenant. Responsable des communications. Responsable des communications. Natacha Canapé-Fontaine, poète, conférencière, une des représentantes du mouvement I Don't Know More Québec, ainsi que Pauline qui nous a accompagnés tout le long de l'émission. Alors, je vous remercie à tous. C'est Migwetch. Et c'est tout pour cette émission. Et nous allons finir en musique, en fait. On va passer L'Aigle Noir. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chanson? L'Aigle Noir, donc, de Barbara, est une chanson qui est sortie il y a fort, fort longtemps sur les ondes françaises. Et à la base, c'était une chanson que tout le monde trouvait très, très, très, très entraînante, entraînante, c'est pas le mot, mais très, très belle, etc. Et en fait, on s'est rendu compte quelques années après que c'était une chanson qui parlait malheureusement de viol et d'inceste. Et c'est une chanson qu'il faut décoder puisque l'aigle est un animal majestueux qui fait figure du père dans la psychologie. Notamment dans la psychologie freudienne, et le noir, la couleur du noir, bien sûr, représente le deuil, la mort et toutes ces choses bien réjouissantes. Et donc, en fait, c'est une chanson où il faut lire entre les lignes et voir que elle parle malheureusement d'inceste que Barbara a connu au plus jeune âge. Et à toute fin, je voulais dire que tous ces gens ont des sites internet, ont des façons de communiquer. Si vous voulez rester informé, il y a de toutes sortes de façons. Vous pouvez entre autres de l'information sur le site internet de CKUT. Et voici la chanson de l'Aigle Noir de Barbara. Alors merci, Migwetch, à tout le monde. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi dans un bruissement d'ailes comme tombé du ciel. L'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant. On dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en toi. tremblant, des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles, l'aigle noir dans un bruissement d'ailes, pour y s'envoler, pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un air.